Belle journée à l'écoute de La Première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de La Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Le monde est certainement en train de vivre un de ces moments les plus dramatiques, un de ces moments où on entend battre le cœur de l'histoire. Moi, j'ai été blessé deux fois. Et à un moment, j'ai repris connaissance. Il parlait plus la même langue. J'étais chez les Chinois. Cette semaine, la Corée. Je pense que le débarquement à Incheon a été la phase essentielle, sinon une des phases essentielles de la guerre de Corée. D'une guerre fratricide à une réconciliation en impasse, l'entrée en scène de la guerre froide. More than ever before against this kind of sneak attack. Finalement, presque plus que la guerre, ce sont les conditions physiques qui ont été très dures en Corée. Le nouveau dossier que nous ouvrons cette semaine a toutes les apparences d'une histoire très ancienne. Il s'agit de la guerre qui se déroula en Corée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Longtemps considérée comme le point de départ de la guerre froide, la Corée a représenté pendant des décennies le pays où s'est déroulée la première véritable guerre opposant les communistes aux Américains et leurs alliés. En rouvrant le dossier de la guerre en Corée, il est intéressant de constater combien les Américains s'embarquent avec des moyens dérisoires au début de la guerre, persuadés qu'ils sont de l'emporter facilement, avant d'en appeler urgemment à l'aide internationale et de transformer la douce campagne coréenne en un paysage lunaire de cratères, de terres éclatées par les raids aériens. Mais ce qui va être découvert par la suite, c'est ce que l'Américain, les soldats américains, ont précisément réalisé pour certains d'entre eux en Corée. Il y est question de crimes de guerre. Des soldats américains ont exécuté des réfugiés coréens. Un dossier dont Washington ne veut aujourd'hui pas entendre parler, mais qui a cependant fait l'objet d'une enquête à partir de documents déclassifiés, enquête menée par deux journalistes de l'agence Associated Press, laquelle enquête a obtenu le prix Pulitzer. Nous sommes donc bien dans une histoire vivante. Chapitre 1. Le dépliant touristique. Au cœur du nord-est asiatique, la péninsule coréenne est bordée au nord par la Chine et la Russie et au sud-est par le Japon. La péninsule s'étend sur plus de 200 000 km², presque la taille du Royaume-Uni ou de la Roumanie. La République de Corée est composée de 9 provinces, avec Séoul pour capitale. Les autres grandes agglomérations sont Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon et Ulsan. Le paysage, à 70% montagneux, varie à chaque saison. 3000 îles bordent le littoral. Comme les autres pays de la zone tempérée, la Corée dispose de 4 saisons bien distinctes. Le printemps et l'automne sont les plus belles saisons de l'année, avec un ciel bleu et dégagé et des montagnes aux couleurs splendides. L'été est chaud et humide, la saison des pluies dure pendant toute la mousson. L'hiver est froid et sec, avec des neiges occasionnelles et parfois des remontées de température. Au pays du matin calme, le carnage va durer 3 ans. Chapitre 2. Sapiens joue encore à Terminator. Au début du siècle, les Japonais n'ont fait qu'une bouchée de cette province endormie. Dès qu'ils en prennent possession, ils imposent une règle de fer et soumettent les Coréens au plus dur des régimes coloniaux qui puissent exister. Mais le Coréen et son âme paysanne, rompue à la plus persistante des solidités, ne plient pas. Il résiste pendant 35 ans, sculptant pour les décennies à venir un nationalisme de bronze. En 1945, les trois hommes qui se retrouvent à Yalta sont bien partis avec leurs règles et leurs crayons. Roosevelt, Staline et Churchill occupent leur journée entre quelques toasts à redessiner la carte du monde. Concernant la Corée, voilà ce qui est dit. La colonie japonaise devra devenir indépendante au bout d'un certain temps. Quelques mois après, le Japon compte ses irradiés. Dans cette Corée appelée à devenir indépendante, ils sont désormais deux. L'Union soviétique occupe le nord de la Corée, alors que les États-Unis contrôlent le sud. As du pointillé, les nouveaux venus ont excellé dans la réalisation de la ligne indiquant le 38e parallèle. Ce 38e parallèle est aussi appelé la ligne de démarcation. De chaque côté du pointillé, chacun s'organise avec son propre style. Le style soviétique consiste à se retirer du pays en laissant aux gérants une grande quantité d'armement, on ne sait jamais. En se retirant ainsi en décembre 1948, les soviétiques, sans le dire naturellement, invitent les Américains à en faire autant. Les États-Unis, eux, ont installé un régime qu'ils pensent démocratique. Ils se retirent donc à leur tour. Mais ce qui fait déjà la différence, c'est que eux ne laissent à la Corée du Sud que quelques armes utilitaires, du portatif. Pas de chars, encore moins d'artillerie lourde et pas d'avions. Pourquoi faire ? Première erreur stratégique notable. Le pointillé protège peu des courants d'air. Bientôt, une succession de tensions autour de ce 38e parallèle va arriver aux oreilles de la Commission des Nations Unies. Les cascades de Bakyong par Eujo Lee, un chant populaire de la Corée centrale. Nous parlons aujourd'hui d'une des cabines de reportage installées au-dessus de la grande salle de l'Assemblée générale des Nations Unies à Flushing Meadows, où, impromptu, M. Nasrallah Intizam, président de l'Assemblée générale pour la 5e session, a bien voulu venir devant notre micro. Monsieur le Président, voulez-vous nous dire comment, sous quels auspices, vous voyez que se place la présente Assemblée des Nations Unies ? Et quelles sont ses chances, non pas pour maintenir la paix, mais étant donné que la guerre existe dans le monde, pour rétablir la paix? Voyez-vous, vous me posez une question très difficile et je pourrais même dire un peu embarrassante. Si nous parvenons à faire rétablir la paix en Corée et les dernières nouvelles nous encouragent à croire à ça, je suis certain que l'Assemblée trouvera un moyen pour vraiment préserver la paix, et vous savez que nous avons reçu des différentes propositions qui venaient de diverses délégations. C'est justement à propos de ces propositions que je voudrais vous poser une question, Monsieur le Président. Comment pensez-vous que l'accord pourra se réaliser sur les propositions dont on parle aujourd'hui, qui consisteraient, résumons-les brièvement, à rétablir après la fin des hostilités l'unité de la Corée avec des élections libres et sous le contrôle des Nations Unies. Pensez-vous que l'accord puisse se faire au sein de toutes les délégations, et j'entends notamment avec la délégation soviétique, pour réussir à rétablir la paix et établir plus exactement un plan de paix pour l'avenir de la Corée? Je ne peux pas savoir pourquoi cet accord ne sera pas réalisable, puisque même la délégation soviétique avait dit à plusieurs reprises qu'elle tenait à l'unité de la Corée, et si la guerre est finie là, comment pourrait-on réaliser cette unité sinon par une élection générale et libre qui soit faite sous l'auspice des Nations Unies? Je ne crois pas que vraiment de la part de la délégation soviétique une grande objection lève sur ce sujet. Car en effet, au petit jeu du « je me retire, mais en fait, je reste », les soviétiques sont des experts. Bientôt, ce qui n'était qu'éternuement se transforme en mauvaise toux, puis bientôt on prend la température. Nul doute, la fièvre est bel et bien montée autour du 38e parallèle. Des patrouilles de la Corée du Nord commencent à envahir la République du Sud. La Commission des Nations Unies donne à plusieurs reprises l'alerte d'une guerre civile imminente. À l'aube du dimanche 25 juin 1950, une force d'invasion de la République populaire démocratique de Corée, ceux du Nord, franchit le 38e parallèle pour pénétrer en République de Corée, autrement dit, chez ceux du Sud. Cette force d'invasion ne fait rien moins que déclencher la guerre de Corée. But officiel de cette opération, suppression du pointillé, autrement dit, la réunification du pays. 1950. Voilà 5 ans que l'Allemagne a capitulé, 5 petites années, et déjà le monde est de nouveau en ébullition. Car l'annonce de ce conflit, aussi éloigné soit-il, est loin de laisser les grandes puissances indifférentes. C'est en fait la première attaque ouvertement lancée depuis la fondation des Nations Unies. Celle-ci a donc entre les mains l'opportunité sinistre pouvant lui permettre de prouver sa valeur et sa crédibilité. Il faut se débarrasser du spectre de la Société des Nations, spécialiste des déconfitures avant-guerre. La réaction internationale a donc la rapidité de l'éclair. L'après-midi même de l'attaque nord-coréenne, à la demande des États-Unis, l'ONU se réunit. Elle déclare que cette invasion rompt la paix et 16 pays membres réunissent leurs forces pour combattre cette agression. 16 contre 1, quand on est malin, on n'insiste pas. Mais le Nord-Coréen insiste. Il ne manifeste aucune intention de se retirer. Il pilonne les forces sud-coréennes, ou plutôt l'absence totale de toute force sud-coréenne, et enfonce celle-ci vers le sud. Jean Lartégui, lieutenant de l'armée française à l'époque, reprend le récit et l'enrichit. Un dimanche matin, le 25 juin 1950, à ce moment-là, intervient l'armée nord-coréenne, qui a été armée et équipée par les Russes, qui est une très bonne armée, bien entraînée, envahit la Corée et arrive au bord de Séoul. En face d'eux, il n'y a rien. Il y a une toute petite force de police coréenne, sud-coréenne, qui ne tient pas, il n'y a pas, et qui s'enfuit. Enfin, qui est massacrée ou qui s'enfuit. À ce moment-là, c'est la panique. Il y a au Japon, il n'y a pas de soldats, il y a très peu de soldats au Japon. Il y a les restes d'une armée d'occupation de MacArthur. MacArthur règne en shogun, mais il a très peu de troupes avec lui. Et là, on va ramasser n'importe qui pour la contre-attaque. On va ramasser des plantons, on va ramasser des radiotélégraphistes, n'importe qui, et on les envoie à toute vitesse en Corée, au seul endroit qui reste, la petite poche de Pusan. Car oui, l'armée du président sud-coréen Syngman Rhee, au passage un redoutable nationaliste installé là par les Américains, cette armée n'a pas de quoi répliquer. Les ordres du Kim Il-sung, le président nord-coréen, sont clairs, comme en témoigne ce soldat. On m'a ordonné de tirer sans discrimination sur tout ce qui bougeait. J'ai tiré et j'ai tué un grand nombre de personnes. En me rendant dans le sud, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas prêts à s'engager au combat. Chaque fois que nous pénétrions dans un village, il nous suffisait de tirer quelques coups de feu pour voir les habitants disparaître. Côté Washington, voici comment Harry Truman, président à l'époque, interpelle les nations. Free nations must be on their guard. More than ever before. against this kind of sneak attack. We are united in detesting communist slavery. Les nations libres doivent être sur leur garde maintenant plus que jamais. Pour se prémunir contre cette attaque sournoise, nous demeurons unis et déclarons détester l'esclavage du communisme. Nous savons que le prix à payer pour la liberté est élevé, mais nous sommes déterminés à préserver notre liberté, quel qu'en soit le prix à payer. Seulement voilà, on a le nom du chef qui va diriger l'armée de libération, le général MacArthur, qui règne en shogun sur un Japon moribond, mais on n'a pas l'armée qui va avec. Rapidement, on récupère au Japon le seul escadron mobilisable, et en avant la musique, direction la Corée. Joe Langone est un des soldats de cet escadron. J'ai reçu mes munitions et tout de suite après, nous étions en formation avec paquetage, casque, fusil et tout l'armement de combat. Nous avons sauté sur la plateforme d'un camion de 2 tonnes où un prêtre nous a rejoints. Et il nous a demandé, y a-t-il des catholiques parmi vous? Et naturellement, je lui ai dit, oui, moi. Il a répliqué, bien, je vais vous bénir, car je n'aurai peut-être pas l'occasion de vous revoir. Je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? 400 soldats. Ils sont 400 jeunes gens, baptisés pompeusement la force d'intervention Smith, censés s'opposer aux troupes nord-coréennes armées par Staline qu'on a rarement connu faire dans le lance-pierre. Et les voilà dans la pluie coréenne à surveiller l'arrivée des chars ennemis, armés de la certitude qu'on leur a inculquée. Dès qu'ils vous apercevront, les nord-coréens prendront leurs jambes à leur cou. Au T-34, le char nord-coréen, on oppose, côté américain, le 2-36. En clair, voilà en quoi cela consiste. Le T-34 était très certainement le deuxième meilleur tank de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était toujours un excellent char. Tandis que le 2-36 était aisément le pire armement anti-char de la Seconde Guerre. Et il ne s'était pas amélioré avec le temps. Je me souviens de 3 lieutenants qui tirèrent probablement chacun au moins à 20 reprises en direction des chars qui passaient sur la route d'Ozan, et cela sans le moindre succès. Cette armée de 400 jeunes hommes américains sans aucun préparatif est entraînée dans des semaines épouvantables. Luttant contre la soif en buvant l'eau des champs de riz dont l'engrais principal reste l'excrément humain, ou encore le liquide des radiateurs de camions sans plus se préoccuper qu'il s'agisse ou non d'antigel, les Américains vont ainsi se frotter aux Nord-Coréens, mais perdre et reculer, jusqu'à être dos à la mer, à l'extrême sud-est de la Corée dans la poche de Pusan. Suivent 2 mois d'intenses et d'héroïques combats où bientôt les forces armées de l'ONU se trouvent à leur tour embarquées en Corée du Sud. La guerre a donc réellement pris un virage international. Mais sur place, les soldats sont toujours confrontés à des limites insensées. On nous avait limité à 25 obus, 25 salves par canon et par jour. Et un 105 peut aisément tirer ses 25 salves en 5 minutes. Lorsque j'ai pris les camions de munitions pour me rendre au dépôt, j'aurais pu avoir toutes les munitions que je voulais. Car ils évacuaient l'entrepôt pour y placer des charges explosives au cas où les Nord-Coréens auraient percé nos défenses. Car à ce moment-là, notre position était des plus précaires. Yankee Doodle, chant de guerre des insurgents qui combattirent sous George Washington contre les troupes anglaises pour gagner leur indépendance. Interprété par la chorale Robert Shaw. Yankee Doodle came to town a riding on a pony, stuck a feather in his cap and called it macaroni. Father and I went down to camp along with Captain Goodwin, and there we saw the men and boys as thick as hasty pudding. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Thank you. and play on cornstalk fiddles, and some men ribbons red as blood all bound around their middles. Keep it up, Yankee Doodle Dandy, mind the music and the step, and with the girls be handy. There was Captain Washington upon a slapping stallion, giving orders to his men. I guess there was a million. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. Were made of leather, they knocked upon with little sticks to call the men together. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. And there they had a swapping gun as big as a log of maple on a mighty little cart, a load for father's cattle. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. And every time they fired it off, it took a horn of powder. It made a noise like father's gun, only a nation louder. Thank you, keep it up, thank you, Mandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. So I hooked it off, nor stopped as I remember, nor turned about till I got home. Locked up in mother's chamber. Infotrafic RTS. Prudence, si vous circulez sur la 9 Vevey-Martigny, des objets jonchent la chaussée entre Villeneuve et Aigle en direction de Martigny. Vous écoutez Histoire vivante. Cette semaine, la Corée. D'une guerre fratricide à une réconciliation en impasse, l'entrée en scène de la guerre froide. À Washington, où le Conseil de défense nationale a été réuni d'urgence, personne ne songe à minimiser la gravité des événements. Le général Marshall l'a dit hier, nous nous trouvons en face de la crise la plus sérieuse depuis la veille de la dernière guerre mondiale. Le président Truman, M. Acheson, le Congrès, réuni depuis lundi, confère fiévreusement, il est à nouveau fortement question de mettre toute l'économie américaine sur pied de guerre et de hâter la mobilisation des hommes et même d'utiliser les armes stratégiques. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, les jeunes Américains, 6 ans après leurs aînés, font eux aussi leur pactage direction la Corée. Et avec eux, c'est toute la machine de guerre américaine qui se rend sur place. Mais pas seulement elle. Les alliés, sur la demande des États-Unis, répondent à l'appel. La France. Nous écoutons Jean Lartigue. À ce moment-là, on croyait vraiment que l'ONU avait le droit d'intervenir, que l'ONU avait le droit de remettre en ordre le monde, qu'un pays qui en attaquait un autre, c'est le cas de la Corée du Nord avec la Corée du Sud, devait être sanctionné. François de Castries. C'était la première fois. La première fois que la France était engagée sous la bannière de l'ONU. Est-ce que cela n'a pas posé des problèmes administratifs? Nous avons été... un camp. Le bataillon a été intégré à un régiment américain qui nous a accueillis avec vraiment une chaleur absolument extraordinaire. Les seules difficultés que nous avons connues au départ étaient un problème linguistique, mais qui devait se résoudre assez rapidement, d'une part parce qu'un certain nombre d'officiers parlaient américain, et d'autre part que, ben mon Dieu, les hommes de troupes très rapidement on finit par se comprendre, vous savez, la combinaison du geste et de la bonne volonté supplée à beaucoup de choses. L'Angleterre, par la bouche de son premier ministre travailliste, se range déjà côté américain. Seul le nom change, à l'époque il se nomme Clément Attlee. And if the United Nations organization was not to go the way of the old League of Nations, it was absolutely and imperatively necessary that a force. Mais voilà, la guerre pour tous ces jeunes gens est une affaire à peine éteinte. La France est déjà engluée dans un autre conflit avec l'Indochine. L'Angleterre est encore groggy du vacarme des V1 et des V2 allemands. Bill Cooper du Northumberland Royal Fusilier nous indique l'état d'esprit de ces jeunes appelés anglais. Ils avaient tous était un peu ébranlé de se voir ainsi rappelé sous les drapeaux. Ils étaient ennuyés d'avoir à se battre pour une situation qui, après tout, ne les menaçait pas personnellement, ni leur pays directement. Ils allaient se rendre dans un pays, la Corée, pour y soutenir les Américains qui s'étaient fourrés dans un guépier et demandaient qu'on les aide de manière urgente. C'était l'attitude générale des réservistes et ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi ils devaient le faire. Mais ils le font, malgré le peu de soutien de l'opinion publique qui ne voit pas le pourquoi de cette guerre si éloignée de leurs frontières et si proche de la précédente. C'est dans la nuit que les appelés partent, dans des camions bâchés. Le transport se fait en bateau incognito. P.G. Cavanagh, ancien fusilé de la Royal Ulster, se souvient. It was a converted liner. Le convoyeur de troupes était un paquebot converti. And we subalterns were six cabin, six par cabine, mais nous avions cependant accès au restaurant et au salon des premières classes. Avec des serveurs en pièces blanches, nous offrant gin et tonic, pendant que nous regardions les poissons venant en mer. Ça prit 8 semaines, 8 merveilleuses semaines, et nous fîmes 8 escales dans des endroits tels que Colombo. C'était terriblement injuste, incroyablement injuste, bien que je ne vois pas quelle autre situation aurait pu être trouvée. Nous, les officiers, étions comme des coqs en pâte, et les hommes, les simples soldats, restèrent dans la cale privés d'air et d'alcool pendant ces 8 semaines. Sur la poche de Pouzane, les combats n'ont désormais plus de cesse. Tandis que les renforts arrivent de plus en plus massifs, les Nord-Coréens sont en ce début septembre 1950 à un cheveu de la victoire. En 2 semaines, toute la situation change. Les raids aériens font exploser les lignes arrières nord-coréennes de ravitaillement. Coupés de cette base, les communistes reculent, remontent vers le nord devant le feu nourri et intraitable des alliés. Robert Teplet, colonel à la 1ère division de marine. Ils commencèrent à se retirer dans un complet désordre pour tenter de traverser la rivière. Et nous les avons littéralement mis en pièces avec l'effort conjugué de l'artillerie, des mortiers et de l'aviation. Et la rivière était rouge de sang. C'était un spectacle incroyable de voir ces troupes coréennes essayer de franchir le fleuve en nageant ou avec n'importe quel objet qui leur tombait sous la main. Et dès qu'ils y parvenaient, nos avions et notre artillerie se mettaient en action pour les écraser. La défaite totale a été évitée au prix d'un bain de sang de part et d'autre, mais la guerre de Corée n'en est, elle, qu'à son tout début. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Janine Mamie. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacher. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.